pendant que Véro sirote une sangria avec les frappes à bord en Abitibi. Je suis le titulaire de l'annonce de ce concours. Une belle promo. Notre chum David de chez NovaClim qui vous offre une thermopompe Direct Air d'une valeur de 3 000 $. Et bravo et félicitations à Francis Beaudoin qui est notre gagnant ce matin. Merci à tout le monde d'avoir participé. Et merci à David de chez NovaClim pour ce super cadeau. Bravo, merci. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer ce que Peter McKay a dit de si grave là, sur les femmes et les juges? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer où est le scandale là, sur sa déclaration sur les juges? Là, Peter McKay, le ministre fédéral de la justice, qui se fait traiter de sexiste, qui se fait traiter de dinosaure, puis ça a pas d'allure ce qu'il a dit. Puis là, la ministre québécoise de la justice, Stéphanie Vallée, qui a réagi alors que ce que Peter McKay a dit, c'est pas mal la vérité, là. Peter McKay a dit que c'est un petit peu plus difficile d'avoir des femmes juges parce que les femmes, avant de postuler dans des postes de ce genre-là, pensent à leurs enfants, pensent à garder de bonnes relations, à passer du temps avec leurs enfants. Puis c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu moins de femmes dans la magistrature, puis un peu moins de femmes juges. Là, c'est le scandale à n'en plus finir, puis on le critique, puis c'est un sexiste, puis peut-être... Pardon? Qu'est-ce qu'il y a de faux dans ce que Peter McKay a avancé là-dessus, là? Honnêtement, je comprends pas ce qu'on a. Comprends-tu, toi, Rich? Ben, écoute, Y a rien de mal là-dedans, là. Tu sais, t'as pas le droit. Je pense que les normes du travail disent que t'as pas le droit de demander, ah, attends-tu des enfants, veux-tu? Mais, tu sais, on s'entend-tu qu'un patron, lorsqu'il fait un entrevue avec, mettons, une fille, il essaie de gager ça, là. Ah, veux-tu des enfants dans une année rapprochée? Parce qu'il y a une réalité qu'on veut pas vraiment accepter, mais qui existe. C'est qu'une femme qui a des enfants, plusieurs enfants, oui, il y a des conséquences à la carrière. Quand une femme revient de son congé de maternité, souvent d'un job, là, est-ce qu'elle a tout le temps exactement le même job qu'avant? Moi, je peux vous dire que non. Je l'ai vécu, là. Je veux dire, c'est pas exactement la même chose. Pendant un an de temps que t'es pas là, que t'es en congé de maternité, là, la réalité, c'est que t'avances pas dans ta job, là. Puis, tu sais, dans les carrières, dans le domaine privé, entre autres, tu sais, faut que t'entretiennes tes clients, faut que t'entretiennes tes contacts, faut que t'entretiennes ta business, faut que t'entretiennes tes affaires. Je veux dire, pour les femmes, d'avoir un enfant, de devenir mère, puis d'en avoir deux, trois, c'est sûr que ça a un impact. Qu'est-ce qu'il y a de faux dans ce que McKay a dit? C'est sûr qu'il y a des femmes qui se disent, ouais, moi, regarde, juge, là, je suis pas certaine, là, parce que je vais être obligé de préparer mes jugements la fin de semaine, puis j'ai des enfants, puis ça sera peut-être pas pareil, puis convaincu qu'il a raison, là. Convaincu qu'il a raison. Là, on vire quasiment le Québec à l'envers à cause des propos de Peter McKay. Alors, okay, regarde, les filles, vous le savez, là, quand vous partez en congé de maternité ou quand vous avez des enfants, ben, ça se peut que ça aide pas nécessairement à votre carrière. Puis c'est bien correct, là, d'être mère de famille, c'est un job en soi, ça, là. C'est quasiment un job à temps plein, même quand t'as un autre job à temps plein, là. C'est évident que ça a des conséquences. C'est évident que tu prends pas les mêmes décisions puis que tu fais pas le même choix de carrière. Tu sais, des fois, oui, t'as à choisir entre avoir des enfants puis faire une carrière extrêmement brillante dans le, je sais pas moi, dans le droit ou en médecine. C'est le Doc Mayou qui expliquait le... Puis tu sais, des fois, il est à côté de la traque, le Doc Mayou, là. Tant qu'à moi, plus ça va, plus il l'échappe, là. Mais il expliquait qu'un des problèmes dans le système de santé, le problème d'accès aux médecins de famille, entre autres, était causé par le fait que les femmes qui sont médecins généralistes, qui sont médecins omnipraticiens, font moins d'heures dans les cliniques parce que veulent s'occuper de leurs enfants. Pourquoi on a un malaise avec ça? C'est normal qu'une femme dise, moi, regarde, ma carrière va prendre le bord un peu, puis je vais mettre moins d'heures dans ma carrière pour s'occuper de mes enfants. Y a-t-il quelque chose de normal là-dedans, là? En ce qui a trait au métier de juge, y a pas accusé leur manque de jugement. Mais oui, non. C'est juste leur manque de disponibilité. Et voilà. Puis garde, on est loin d'un manque de jugement. Au contraire, moi, une femme qui dit, je consacre un peu moins d'heures puis moins d'énergie dans ma carrière pour m'occuper de mes enfants. Bravo! Oh oui, oui. Bravo! Pourquoi on a un problème avec ça? Pourquoi on voudrait que les hommes et les femmes soient exactement pareils? On essaie de se faire croire que un père puis une mère, c'est exactement la même chose. Puis il n'y a pas question de compétence là-dedans. Le rôle d'une mère, c'est probablement ce qu'il y a de plus important dans la société, là. Il y a bien des gens dans la société qui pensent qu'ils ont des rôles importants, les juges entre autres, puis ils ont l'impression qu'ils changent le monde, puis les politiciens aussi, hein. Hey, je suis ministre de la justice, moi là, je suis important. Alors que le rôle le plus important dans la société, là, je pense que ça reste encore d'être une mère. Ça se peut-tu, ça? Ah oui. Plus important que d'être ministre de la Justice, parce que là, Stéphanie Vallée a dit, « Ouais, mais moi, je fais les deux, je suis ministre, je suis avocate, j'ai des enfants. » Ben, tant mieux pour toi. Il y en a des femmes, des superwomen qui réussissent à travailler 60 heures à job, puis à s'occuper de leurs enfants. Mais dans la réalité, dans la vraie vie, là, c'est que les filles qui ont des gros jobs, dans des postes de direction, puis dans des jobs très, très performantes, à du 70, 75 heures par semaine, là, ben souvent, c'est une nounou qui est à la maison, là, qui s'occupe des enfants. On peut-tu se le dire, ça? Il y a rien de mal dans ce qu'a dit Peter McKay. Là. D'après moi, ce qu'il y a de mal avec Peter McKay, c'est que son chandail, il est bleu. S'il était orange, il serait pas mal mieux. Il y a son pire défaut, effectivement. Le pire défaut de Peter McKay, c'est probablement d'être un méchant conservateur avec Stephen Harper. Là. Tout ça, c'est une nouvelle réalité parce que je sors de l'université, ça fait pas longtemps. Là. Puis je peux te dire une affaire, c'est rendu presque 2/3 de filles puis 1/3 de gars. Là. Fait que des femmes avec des grosses jobs, c'est une réalité qui va être de plus en plus présente dans les prochaines années. Donc, il va falloir se faire. On va devoir trouver le moyen de moyenner avec tout ça. Mais les gars qui vont à l'université et qui font des grosses études, il y en a de moins en moins. Ouais. Puis ça, ben, ça égale que ça sera plus tard des femmes qui vont occuper de gros emplois. Puis la maternité, ben, ça va rester là pareil. Ben, c'est ça. Stéphane nous écrit un commentaire. Il parle de l'âge des juges. Il dit, est-ce que vous croyez vraiment que les femmes, au moment où elles pourraient être nommées juges, n'ont pas leurs enfants élevés? Voyons donc, la plupart du temps, les juges qui sont nommés ont plus de 50 ans. Premièrement, ça, c'est pas vrai. Des juges dans quarantaine qui sont nommés juges, ça arrive. Puis à 50 ans, ça se peut que t'aies encore des ados, là. Ça se peut que t'aies des ados de 12-13 ans encore, là. Ah, puis qui ont encore besoin de leur mère. On parle pas de jeunes bébés, nécessairement. Et quelle carrière en droit tu dois peaufiner avant d'être nommé juge? Et voilà, ça, c'est l'autre affaire. C'est que pour, avant d'être nommé juge, faut que t'aies fait tes preuves et que t'aies investi quand la fille a 34, 35, 36 ans, 40 ans. Faut qu'elle ait mis pas mal d'heures pis qu'elle se soit investie dans sa carrière d'avocate aussi, là. Faut que tu fasses tes preuves avant d'être nommé juge. Mais Peter McKay, non, évidemment, c'est ça. C'est le chum Harper, hein. C'est le ministre du gouvernement Harper, ben. Ça peut pas avoir de l'allure, ce qu'il dit, hein. Mais on est tellement obsédé par ça de vouloir que les hommes et les femmes soient exactement pareils, pis c'est complètement ridicule. 9h10, on vient. Le show du matin.